Deuxième journée, chapitre 1. L'horloge de la gare, dont un réflecteur éclairait le cadran, marquait 3h20. Et sous la marquise qui couvrait le quai, long d'une centaine de mètres, des ombres allaient et venaient, résignées à l'attente. Au loin, dans la campagne noire, on ne voyait que le feu rouge d'un signal. Deux des promeneurs s'arrêtèrent. Le plus grand, un père de l'Assomption, le révérend père Fourcade, directeur du pèlerinage national, arrivé de la veille, était un homme de 60 ans, superbe sous la pèlerine noire à long capuchon. Sa belle tête aux yeux clairs et dominateurs, à l'épaisse barbe grisonnante, était celle d'un général qu'enflamme la volonté intelligente de la conquête. Mais il traînait un peu la jambe, pris subitement d'un accès de goutte, et il s'appuyait à l'épaule de son compagnon, le docteur Bonamy, le médecin attaché au bureau de la constatation des miracles, un petit homme trapu, à la figure rasée, aux yeux ternes et comme brouillés, dans de gros traits paisibles. Le père Fourcade avait interpellé le chef de gare, qui sortait de son bureau en courant. « Monsieur, est-ce que le train blanc a beaucoup de retard ?»« Non, mon révérend père, 10 minutes au plus, il sera ici à la demi. » « Mais ce qui m'inquiète, c'est le train de Bayonne qui devrait être passé. » Et il reprit sa course pour donner un ordre. Puis il revint, maigre et nerveux, agité dans ce coup de fièvre qui le tenait debout durant des nuits et des jours au moment des grands pèlerinages. Ce matin-là, il attendait, en dehors du service habituel, 18 trains, plus de 15 000 voyageurs. Le train gris et le train bleu, partis les premiers de Paris, étaient déjà arrivés à l'heure réglementaire. Mais le retard du train blanc aggravait tout, d'autant plus que l'express de Bayonne, lui non plus, n'était pas signalé. Et l'on comprenait la continuelle surveillance nécessaire, l'alerte de chaque seconde où vivait le personnel. « Dans 10 minutes, alors !» répéta le père Fourcade. « Oui, dans 10 minutes !» à moins qu'on ne soit obligé de fermer la voie, » jeta le chef de gare qui courait au télégraphe. Lentement, le religieux et le médecin reprirent leur promenade. Leur étonnement était qu'il ne fût jamais arrivé d'accident sérieux au milieu d'une telle bousculade. Autrefois, surtout, régnait un incroyable désordre. Et le père se plut à rappeler le premier pèlerinage qu'il avait organisé et conduit en 1875. Le terrible, l'interminable voyage, sans oreiller, sans matelas, avec des malades à demi-morts qu'on ne savait comment ranimer. Puis l'arrivée à Lourdes, le déballage pêle-mêle, pas le moindre matériel préparé, ni bretelles, ni brancards, ni voitures. Aujourd'hui, existait une organisation puissante. Des hôpitaux attendaient les malades, qu'on n'était plus réduit à coucher sous des hangars, dans de la paille. Quelle secousse pour ces misérables! Quelle force de volonté chez l'homme de foi qui les menait au miracle! Et le père souriait doucement à l'œuvre qu'il avait faite. Il questionnait maintenant le docteur, tout en s'appuyant à son épaule. « Combien avez-vous eu de pèlerins l'année dernière ?»« 200 000 environ. Cette moyenne se maintient. L'année du couronnement de la Vierge, le nombre s'est élevé à 500 000. Mais il fallait une occasion exceptionnelle, un effort de propagande considérable. Naturellement, de pareilles foules ne se retrouvent pas. » Il y eut un silence, puis le père murmura. « Sans doute. » L'œuvre est bénie, elle prospère de jour en jour. Nous avons réuni près de 250 000 francs d'aumône pour ce voyage. Et Dieu sera avec nous. Vous aurez demain des guérisons nombreuses à constater. J'en suis convaincu. » Puis, s'interrompant, « Est-ce que le père d'Argelès n'est pas venu ?» Le docteur Bonamy eut un geste vague pour dire qu'il l'ignorait. Ce père d'Argelès était chargé de la rédaction du « Journal de la Grotte ». Il appartenait à l'ordre des pères de l'Immaculée Conception, installés à Lourdes par l'évêché, et qui étaient les maîtres absolus. Mais lorsque les Pères de l'Assomption amenaient de Paris le pèlerinage national, auquel se joignaient les fidèles des villes de Cambrai, Arras, Chartres, Troyes, Reims, Sens, Orléans, Blois, Poitiers, il mettait une sorte d'affectation à disparaître complètement, on ne le voyait plus, ni à la grotte, ni à la basilique. Il semblait livrer toutes les clés avec toutes les responsabilités. Leur supérieur, le père Cap de Barthe, un grand corps noueux taillé à coups de serpe, une sorte de paysan dont le visage fruste gardait le relief roux et morne de la terre, ne se montrait même pas. Il n'y avait que le père d'Argelès, petit et insinuant, qu'on rencontrait partout, en quête de notes pour le journal. Seulement, si les pères de l'Immaculée Conception disparaissaient, on les sentait quand même derrière tout le vaste décor, ainsi que la force cachée et souveraine qui battait monnaie, qui travaillait sans relâche à la prospérité triomphale de la maison. Ils utilisaient jusqu'à leur humilité. « Il est vrai, reprit le père Fourcade gaiement, qu'il a fallu se lever de bonne heure, à 2 heures, mais je voulais être là. Qu'auraient dit mes pauvres enfants ?» Il appelait ainsi les malades, la chair à miracle, et jamais il n'avait manqué de se trouver à la gare, quelle que fût l'heure, pour l'arrivée du train blanc, ce train lamentable aux grandes souffrances. 3h25, encore 5 minutes, dit le docteur Bonamy, qui étouffa un bâillement en regardant l'horloge. Très maussade, au fond, malgré son air obséquieux, d'avoir quitté son lit de si grand matin. Sur le quai, pareil à un promenoir couvert, la lente promenade continuait, au milieu de l'épaisse nuit, que les becs de gaz éclairaient de nappes jaunes. Des gens vagues par petits groupes, des prêtres, des messieurs à redingotes, un officier de dragons, allaient et venaient sans cesse, avec de discrets murmures de voix. D'autres, assis le long de la façade, sur des bancs, causaient aussi, ou patientaient, les regards perdus en face, dans la campagne ténébreuse. Les bureaux et les salles d'attente, vivement éclairées, découpaient leurs portes claires, et déjà tout flambait dans la buvette, dont on apercevait les tables de marbre, le comptoir chargé de corbeilles de pain et de fruits, de bouteilles et de verres. Mais surtout, à droite, au bout de la marquise, il y avait un grouillement confus de monde. C'était de ce côté, par une porte des messageries, qu'on sortait les malades. Tout un encombrement de brancards et de petites voitures, parmi des tas de coussins et de matelas, barrait le large trottoir. Et 3 équipes de brancardiers étaient là, des hommes de toutes les classes, spécialement des jeunes gens du meilleur monde, portant sur leurs vêtements la croix rouge liserée d'orange et la bretelle de cuir jaune. Beaucoup avaient adopté le béret, la coiffure commode du pays. Quelques-uns, équipés comme pour une expédition lointaine, avaient de belles guêtres montant jusqu'aux genoux. Et les uns fumaient, tandis que les autres, installés dans leur petite voiture, dormaient ou lisaient un journal à la lueur des becs de gaz voisins. Il y en avait un groupe, à l'écart, qui discutait une question de service. Brusquement, les brancardiers saluèrent. Un homme, paterne, arrivait, tout blanc, à la figure épaisse et bonne, aux gros yeux bleus d'enfant crédule. C'était le baron Suire, une des grandes fortunes de Toulouse, président de l'hospitalité de Notre-Dame de Salut. « Où est Berthaud ? » demandait-il à chacun d'un air affairé. « Où est Berthaud ? Il faut que je lui parle !» Chacun répondait, donnait un renseignement contraire. Berthaud était le directeur des brancardiers. Les uns venaient de voir monsieur le directeur avec le révérend père Fourcade, d'autres affirmaient qu'il devait être dans la cour de la gare à visiter les voitures d'ambulance. « Si monsieur le président désire que nous allions chercher monsieur le directeur... »« Non, non, merci, je le trouverai bien moi-même. » Et pendant ce temps, Berthaud, qui venait de s'asseoir sur un banc, à l'autre extrémité de la gare, causait avec son jeune ami Gérard de Perlongue, en attendant l'arrivée du train. C'était un homme d'une quarantaine d'années, à belle figure, large et régulière, qui avait gardé ses favoris soignés de magistrat. Appartenant à une famille légitimiste militante, et lui-même d'opinion très réactionnaire, il était procureur de la République dans une ville du Midi, depuis le 24 mai, lorsque, au lendemain des décrets contre les congrégations, il s'était démis, bruyamment, par une lettre insultante adressée au ministre de la Justice. Et il n'avait pas désarmé. Il s'était mis de l'hospitalité de Notre-Dame de Salut en manière de protestation. Il venait chaque année manifester à Lourdes, convaincu que les pèlerinages étaient désagréables et nuisibles à la République, et que la Sainte Vierge seule pouvait rétablir la monarchie dans un de ces miracles qu'elle prodiguait à la grotte. Au demeurant, il avait un grand bon sens, riait volontiers, se montrait d'une charité joviale pour les pauvres malades dont il avait à assurer le transport pendant les 3 jours du pèlerinage national. « Alors, mon bon Gérard, disait-il au jeune homme assis près de lui, c'est pour cette année ton mariage ?»« Sans doute, si je trouve la femme qu'il me faut, répondait celui-ci. « Voyons, cousin, donne-moi un bon conseil. » Gérard de Perlongue, petit, maigre, roux, avec un nez accentué et des pommettes osseuses, était de Tarbes, où son père et sa mère venaient de mourir, en lui laissant au plus 7 à 8 000 francs de rente. Très ambitieux, il n'avait pas découvert dans sa province la femme qu'il voulait, bien apparentée, capable de le pousser loin et haut. Aussi s'était-il mis de l'hospitalité et se rendait-il chaque année à Lourdes, avec l'espoir vague qu'il y découvrirait, dans la foule des fidèles, parmi le flot des dames et des jeunes filles bien pensantes, la famille dont il avait besoin pour faire son chemin en ce bas monde. Seulement, il demeurait perplexe, car s'il avait déjà plusieurs jeunes filles en vue, aucune ne le satisfaisait complètement. « N'est-ce pas, cousin, toi qui es un homme d'expérience, conseille-moi. Il y a Mademoiselle Le Mercier qui vient ici avec sa tante. Elle est fort riche, plus d'un million à ce qu'on raconte. Mais elle n'est pas de notre monde, et je la crois bien écervelée. » Berthaud hochait la tête. « Je te l'ai dit, moi, je prendrai la petite Raymonde, Mademoiselle de Jonquière. » « Mais elle n'a pas le sou !»« C'est vrai, à peine de quoi payer sa nourriture. Mais elle est suffisamment bien de sa personne, correctement élevée, surtout sans goût de dépense. Et c'est décisif, car à quoi bon prendre une fille riche si elle te mange ce qu'elle t'apporte? Et puis, vois-tu, je connais beaucoup ces dames. Je les rencontre l'hiver dans les salons les plus puissants de Paris. » Et enfin, n'oublie pas l'oncle, le diplomate, qui a eu le triste courage de rester au service de la République et qui fera de son neveu tout ce qu'il voudra. » Ébranlé un instant, Gérard retomba dans sa perplexité. « Pas le sou, pas le sou, non, c'est impossible. Je veux bien y réfléchir encore, mais vraiment j'ai trop peur. » Cette fois, Berthaud se mit à rire franchement. « Alors, tu es ambitieux, il faut oser. Je te dis que c'est un secrétariat d'ambassade. Ces dames sont dans le train blanc que nous attendons. Décide-toi, fais ta cour. » « Non, non, plus tard, je veux réfléchir. » À ce moment, ils furent interrompus. Le baron Suire, qui était passé une fois déjà devant eux, sans les apercevoir, tellement l'ombre les enveloppait dans ce coin écarté, venait de reconnaître le rire bon enfant de l'ancien procureur de la République, et tout de suite, avec la volubilité d'un homme dont la tête éclate aisément, il lui donna plusieurs ordres concernant les voitures, les transports, déplorant qu'on ne pût conduire les malades à la grotte dès l'arrivée, à cause de l'heure vraiment trop matinale. On irait les installer à l'hôpital de Notre-Dame-des-Douleurs, ce qui leur permettrait de prendre quelques repos après un si dur voyage. Pendant que le baron et le chef des brancardiers s'entendaient ainsi sur les mesures à prendre, Gérard serrait la main à un prêtre qui était venu s'asseoir près de lui sur le banc. L'abbé des Hermoises, âgé de 38 ans à peine, avait une tête jolie d'abbé mondain, peigné avec soin, sentant bon, adoré des femmes. Très aimable, il venait à Lourdes en prêtre libre, comme beaucoup s'y rendaient, pour leur plaisir, et il gardait au fond de ses beaux yeux la vive étincelle, le sourire d'un sceptique supérieur à toute idolâtrie. Certes, il croyait, il s'inclinait, mais l'Église ne s'était pas prononcée sur les miracles et il semblait prêt à les discuter. Il avait vécu à Tarbes, il connaissait Gérard. « Hein ?» lui dit-il. « Est-ce assez impressionnant, cette attente des trains dans la nuit? Je suis ici pour une dame, une de mes anciennes pénitentes de Paris, mais je ne sais pas bien par quel train elle arrivera. Et vous le voyez, je reste, tant ça me passionne. » Puis un autre prêtre, un vieux prêtre de campagne, étant venu également s'asseoir, il se mit à causer indulgemment avec lui, en lui parlant de la beauté de ce pays de Lourdes, du coup de théâtre tout à l'heure, quand les montagnes apparaîtraient au lever du soleil. De nouveau, il y eut une brusque alerte. Le chef de gare courait, criait des ordres, et le père Fourcade, malgré sa jambe goûteuse, quitta l'épaule du docteur Bonamy pour s'approcher vivement. « Hé, c'est cet express de Bayonne qui est resté en détresse !» répondit le chef de gare aux questions. « Je voudrais être renseigné, je ne suis pas tranquille. » Mais des sonneries retentirent, un homme d'équipe s'enfonça dans les ténèbres en balançant une lanterne, tandis qu'un signal au loin manœuvrait. Et le chef de gare s'écria « Ah, cette fois, c'est le train blanc! Espérons que nous aurons le temps de débarquer les malades avant le passage de l'express. » Il reprit sa course, disparut. Berthaud appelait Gérard, qui était chef d'une équipe de brancardiers, et tous deux, de leur côté, se hâtèrent de rejoindre leur personnel, que le baron suivre activait déjà. Les brancardiers revenaient de toutes parts, s'agitaient, commençaient à traîner les petites voitures au travers des voies, jusqu'au quai de débarquement, un quai à découvert en pleine obscurité. Il se fit bientôt, là, un entassement de coussins, de matelas, de brancards qui attendaient, tandis que le père Fourcade, le docteur Bonamy, les prêtres, les messieurs, l'officier de dragon, traversaient eux aussi, pour assister à la descente des malades. Et l'on ne voyait encore, très lointaine, au fond de la campagne noire, que la lanterne de la locomotive, pareille à une étoile rouge qui grandissait. Des coups de sifflet stridents déchiraient la nuit. Ils se turent. Il n'y eut plus que le halètement de la vapeur, le sourd grondement des roues se ralentissant peu à peu. Alors, distinctement, on entendit le cantique, la complainte de Bernadette, que le train entier chantait, avec les aves obsédants du refrain. Et ce train de souffrance et de foi, ce train gémissant et chantant, qui faisait son entrée à Lourdes, s'arrêta. Tout de suite, les portières furent ouvertes. La cohue des pèlerins valides et des malades qui pouvaient marcher descendit, encombra le quai. Les rares becs de gaz n'éclairaient que faiblement cette foule pauvre, aux vêtements neutres, embarrassée de paquets de toutes sortes, de paniers, de valises, de caisses de bois. Et au milieu des coups de coude, parmi ce troupeau effaré, cherchant de quel côté tourner pour trouver la sortie, s'élevaient des exclamations, des cris de familles perdues qui s'appelaient, des embrassades de gens attendus là par des parents ou des amis. Une femme déclarait d'un air de satisfaction béate « J'ai bien dormi !» Un curé s'en allait avec sa valise en disant à une dame estropiée « Bonne chance !» La plupart avaient la figure ahurie, fatiguée et joyeuse des gens qu'un train de plaisir jette dans une gare inconnue. Enfin, la bousculade devenait telle, la confusion s'aggravait à ce point, au fond des ténèbres, que les voyageurs n'entendaient pas les employés qui s'enrouaient à crier « Par ici ! Par ici !» pour hâter le déblaiement du quai. Lestement, sœur Hyacinthe était descendue du wagon en laissant l'homme mort sous la garde de sœur Claire des Anges, et elle courut au fourgon de la cantine, perdant un peu la tête, avec l'idée que Ferrand l'aiderait. Heureusement, elle trouva devant le fourgon le père Fourcade, auquel, tout bas, elle conta l'accident. Il retint un geste de contrariété, il appela le baron Suire qui passait, se pencha à son oreille. Pendant quelques secondes, il y eut des chuchotements. Puis, le baron Suire s'élança, fendit la foule avec deux brancardiers qui portaient une civière couverte. Et l'homme fut emporté, ainsi qu'un malade simplement évanoui, sans que la foule des pèlerins s'occupât de lui davantage dans l'émotion de l'arrivée. Et les deux brancardiers, précédés du baron, allèrent le déposer, en attendant, dans une salle des messageries, derrière des tonneaux. L'un des deux, un petit blond, le fils d'un général, resta près du corps. Sœur Hyacinthe, cependant, était retournée au wagon, après avoir prié sœur Saint-François de l'attendre dans la cour de la gare, près de la voiture réservée, qui devait les conduire à l'hôpital de Notre-Dame-des-Douleurs. Et, comme elle parlait, avant de partir, d'aider ses malades à descendre, Marie ne voulut pas qu'on la touchât. « Non, non, ne vous occupez pas de moi, ma sœur, je resterai la dernière. Mon père et l'abbé Froment sont allés chercher les roues au fourgon, et je les attends. Ils savent comment tout ça se remonte. Ils m'emmèneront. Soyez tranquille. » De même, M. Sabatier et le frère Isidore désiraient qu'on ne les bougeât point, tant que la foule ne se serait pas un peu écoulée. Madame de Jonquière, qui se chargeait de la grivotte, promettait de veiller aussi à ce que Madame Vêtue fût transportée dans une voiture d'ambulance. Alors, sœur Hyacinthe résolut de partir immédiatement pour tout préparer à l'hôpital. Elle emmenait avec elle la petite Sophie Couteau, ainsi qu'Élise Rouquet, dont elle enveloppa la face soigneusement. Madame Maz les précédait, tandis que Madame Vincent se débattait dans la foule en emportant sa fillette évanouie dans ses bras, n'ayant plus que l'idée fixe de courir, d'aller la déposer à la grotte, au pied de la Sainte Vierge. Maintenant, la cohue s'écrasait à la porte de sortie. Il fallut ouvrir les portes de la salle des bagages pour faciliter l'écoulement de tout ce monde. Et les employés, ne sachant comment recevoir les billets, tendaient leurs casquettes, des casquettes qui s'emplissaient de la pluie des petits cartons. Dans la cour, une grande cour carrée que bordaient sur trois côtés les bâtiments bas de la gare, c'était aussi un brouhaha extraordinaire, un pêle-mêle de véhicules de toutes sortes. Les omnibus des hôtels, acculés contre la bordure du trottoir, portaient sur leurs grandes pancartes les noms les plus vénérés, ceux de Marie et de Jésus, de Saint-Michel, du Rosaire, du Sacré-Cœur. Puis s'enchevêtraient des voitures d'ambulance, des landaus, des cabriolets, des tapissières, de petites charrettes à ânes dont les cochers criaient, juraient, au milieu du tumulte accru par l'obscurité, que trouaient les lueurs vives des lanternes. L'orage avait duré une partie de la nuit. Une mare de boue liquide s'éclaboussait sous les pieds des chevaux, et les piétons pataugeaient jusqu'à la cheville. Monsieur Vigneron, que Madame Vigneron et Madame Chaise suivaient, éperdu, souleva Gustave pour l'installer avec sa béquille dans l'omnibus de l'hôtel des Apparitions, où ces dames et lui-même montèrent ensuite. Madame Maz, avec un petit frisson de chatte soigneuse qui craint de se salir le bout des pattes, fit signe au cocher d'un vieux coupé, monta, disparut discrètement, en donnant pour adresse le couvent des Sœurs Bleues. Et sœur Hyacinthe, enfin, put s'installer avec Élise Rouquet et Sophie Couteau dans un vaste char à bancs que déjà occupaient Ferrand et les sœurs Saint-François et Claire des Anges. Les cochers fouettaient leurs petits chevaux vifs, les voitures partaient d'un train d'enfer parmi les cris du monde et les rejaillissements de la boue.